Bonjour, on poursuit donc le chapitre 5 sur les catégories musicales de l'industrie phonographique en s'intéressant à la catégorie des foreign records. Donc on va voir les objectifs mercantiles, la quête d'authenticité et le projet d'américanisation qui sous-tend la création de cette catégorie. L'industrie du disque, dès ses premières années, dépasse largement les frontières nationales. Les compagnies américaines développent dès le tournant des années 1900 un marché international pour leurs phonographes et ouvrent des succursales en Europe, en Amérique centrale et du Sud, mais aussi en Inde, en Chine, au Japon ou encore en Afrique du Nord. Ce marché international, donc exportation de machines, enregistrement et commercialisation sur place, représente une importante part du marché. Et puisque l'intérêt des industriels n'est pas de définir une musique américaine culturellement homogène, contrairement aux folkloristes, mais au contraire de vendre ce qui peut être vendu le plus largement possible, ils vont également développer un marché domestique pour les immigrés récents du pays. Ce marché s'avère très rentable, puisque toutes les compagnies américaines confondues auraient publié au moins 30 000 enregistrements, classés comme foreign records entre 1900 et 1950. Et il faut ajouter à ces chiffres les disques pressés en Europe et importés aux États-Unis. Il faut dire qu'au tournant du XXe siècle, donc au moment où naît le marché des foreign records, 13,5% de la population américaine est née à l'étranger. Chiffre qui dépasse les 35% pour la ville de New York, qui est là où la plupart des compagnies ont leur siège et leur studio d'enregistrement à ce moment-là. Dans les années 20, malgré les lois de quotas restreignant l'immigration, les industriels estiment que les immigrés récents, n'étant pas anglophones ou en tout cas parlant encore leur langue maternelle, représentent environ un tiers du marché du phonographe. Donc là encore, l'argument économique l'emporte. De nombreux encarts publicitaires dans la revue professionnelle Talking Machine World, donc c'est une revue spécialisée de l'industrie du phonographe qui paraît à New York de 1905 à 1928 à destination des professionnels du domaine, encourage les entrepreneurs à produire des foreign records et les marchands à en mettre à disposition des acheteurs dans leurs boutiques. Les étrangers seraient en demande, et même pauvres, ils seraient prêts à investir dans un phonographe. Donc selon cet encart publicitaire de la revue Talking Machine World, donc je cite, hein, c'est l'extrait d'un article promotionnel publié en 1906 qui s'intitule « Call for Scandinavian Records », l'appel pour des enregistrements scandinaves. Un grand revendeur de Listside affirme que les fabricants de disques négligent une branche très importante lorsqu'ils ignorent la demande sans cesse croissante pour les disques scandinaves. Cette nation est en train de former une colonie très importante dans cette ville, ainsi que de se disperser dans le pays, et a développé un grand penchant pour les machines parlantes de tout type, en particulier pour celles à disques. Les foreigners, terme généralement employé par les industriels, sont souvent qualifiés de musically inclined folk ou de natural music lovers dans les différentes publications de Talking Machine World. Plusieurs compagnies, à commencer par Columbia, encouragent les marchands à démarcher ces communautés donc foreign en leur promettant un marché lucratif puisque l'étranger est considéré comme un client fiable, solvable et fidèle. Le marché musical états-unien est cloisonné par des catégories, donc reflétant la manière dont les producteurs se représentent la société américaine. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, toutes les musiques s'adressant à des populations non anglo-américaines, incluant donc des polkas polonaises, des opéras chinois, des sérénades italiennes, sont regroupées sous une seule et même catégorie, identifiée par une numérotation spécifique. Columbia, par exemple, divise ses catalogues en deux catégories, la série A pour les disques américains et la série E pour les foreign records. Leur distinction entre américains et non-américains n'est pas fondée sur des critères légaux, comme par exemple la citoyenneté, ni même vraiment sur l'ancienneté de l'installation dans le pays. En fait, c'est la langue qui apparaît comme le critère central hein, pour définir qui sont les foreigners, et donc quelle est leur musique. Les publicités consacrées aux foreign records insiste sur le nombre de langues non anglaises représentées dans les catalogues et sur l'attrait des foreigners pour les enregistrements dans leur langue maternelle. Les marchands sont encouragés à employer du personnel parlant plusieurs langues étrangères et les catalogues à disposition des acheteurs reproduisent les titres des morceaux dans leur langue originale. Les Irish et West Indian Records sont toutefois classés comme foreign par les compagnies, bien que les chants soient parfois en anglais. Malgré la définition par les compagnies de leur principe de classement en termes linguistiques, cet exemple montre clairement que ce qui donne la catégorie des foreign records, ce qui domine la catégorie des foreign records, c'est quand même une représentation d'altérité, qu'elle soit ethnique ou nationale. Les foreigners partageraient par ailleurs tous des traits sociaux et culturels se reflétant dans leur mode de vie. Italiens, polonais, chinois, suédois, etc. auraient ainsi tous tendance à vivre en autarcie dans des colonies ou des settlements à l'écart du reste de la société. Les compagnies et les magasins de disques envoient d'ailleurs régulièrement des vendeurs appartenant au groupe ethnique visé pour prospecter dans ces colonies, hein, c'est le terme employé dans la presse professionnelle, et pour vendre des disques au porte-à-porte. Les compagnies tentent de produire des catégories, donc des sous-catégories, qui correspondraient à la manière dont les acheteurs s'identifieraient eux-mêmes au prix d'un fractionnement croissant des catégories. Donc ces sous-catégories semblent en effet fonctionner dans la mesure où les enregistrements se vendent. Elles sont constituées par différentes nations, encore une fois le terme employé par les industriels, qui ne correspondent pas du tout à des états-nations existants, mais plutôt à des aires linguistiques et culturelles qui sont plus ou moins larges et plus ou moins vagues. Un encart publicitaire de 1924 de Columbia propose la liste suivante, au sein de laquelle on remarque plusieurs langues intercompréhensibles, qui ne se distinguent guère que par leur accent, ainsi qu'une catégorie neutre pour les morceaux instrumentaux, donc sans langue. Donc voici la liste des sous-catégories de Columbia. Donc arménien, bohémien, chinois, croate, danois, finlandais, French Canadian, German Swiss, grec, juif hébreu, hollandais, donc Pays-Bas, hongrois, instrumental, italien napolitain, lituanien, mexicain, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque et slave, slovénien, slovène, espagnol, suédois, turc et ukrainien. Les Philippines et Hawaï, territoires annexés par les États-Unis après la guerre hispano-américaine de 1898, sont absents de cette liste. Ils sont généralement absents des listes de foreign records. En ce qui concerne le marché philippin, un observateur encourage pourtant les colonies dès 1905, soit 3 ans après la fin de la guerre entre les États-Unis et les indépendantistes, à y commercialiser des enregistrements en langue espagnole. Les Philippins posséderaient eux aussi, selon cet observateur, une passion inhérente et un talent pour la musique, et ils aiment les musiques de toutes sortes. Un grand nombre d'entre eux seraient prêts à investir dans une machine pour écouter leur star locale, même si aux yeux des critiques, leur musique est d'une qualité bien médiocre, à l'instar de celle d'un célèbre orchestre de Manille. Donc là, je cite un extrait encore de la revue Talking Machine World. L'extrait d'un article qui s'appelle The Musical Filipinos de 1915. Les critiques professionnelles remarqueront des défauts dans ses performances qui sont dus au caractère superficiel de l'indigène. Il n'est jamais exhaustif et n'apprend jamais pour l'amour de la connaissance, mais plutôt pour accomplir quelque chose ou satisfaire son plaisir. L'observateur ne mentionne pas les autres langues parlées dans les Philippines, notamment le tagalog ou le filipino, mais souligne en revanche, quelques années seulement donc après la guerre américano-philippine, la ferveur patriotique des Philippins à l'égard des États-Unis. Donc je recite toujours ce même article de 1915. Les numéros les plus attrayants étaient The Star Spangled Banner et d'autres chants américains patriotiques interprétés par un chœur d'enfants de l'une des écoles primaires. Ils chantaient comme si leurs âmes étaient dans leur musique. Ils chantaient comme si leur vie en dépendait. Pas à la manière apathique et routinière de l'écolier ordinaire, mais avec un véritable enthousiasme et plaisir. Les colons américains mènent alors une politique de déshispanisation forcée et de pacification de l'archipel, suite au violent écrasement des indépendantistes philippins. Et ce compte-rendu fonctionne donc aussi un peu comme un témoignage du succès de l'impérialisme politique et culturel des États-Unis dans leur nouvelle colonie. La description des Philippins comme une population inférieure et exotique est similaire à celle d'autres populations d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine à qui s'adresse une partie du marché international. Si les Philippines ne sont pas incluses dans la catégorie des foreign records pour le marché domestique, et bénéficient donc d'encarts publicitaires spécifiques, la catégorisation des musiques hawaïennes ou assimilées est encore plus floue. En raison de la grande vogue des musiques instrumentales, avec ukulélé notamment, de nombreux morceaux identifiés comme hawaïens sont en fait commercialisés dans des séries instrumentales du catalogue général. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas non plus de catégorie hawaïenne à l'intérieur des foreign records. Je fais une petite pause pour passer un morceau collecté, enfin enregistré, un morceau commercial, enregistré en 1910 et qui donc fait partie d'une série de musique philippine du label Edison Amberol. Le morceau s'intitule La Sampaguita et les interprètes sont la Banda de la Constabularia Filipina, donc le groupe des Constabulari Filipina. Voilà, donc je passe ce morceau, et puis ensuite on continue. Donc 1910. Les sous-catégories pour le marché américain vont s'affiner. En 1906, les labels parlent de Scandinavian Nation, donc la nation scandinave, tandis qu'en 1904, ils font la distinction entre les musiques finlandaises, suédoises et norvégiennes. Suédois et norvégiens sont des langues intercompréhensibles, alors que le finnois appartient à une famille non indo-européenne. Cet affinement des sous-catégories traduit aussi une évolution de l'industrie. Jusque dans les années 10, les foreign records sont surtout des importations européennes. Avec la Première Guerre mondiale, les compagnies américaines produisent de plus en plus de musiciens récemment immigrés aux États-Unis, puisque les échanges commerciaux sont compliqués avec l'Europe à ce moment-là. Les enregistrements s'intensifient et se systématisent donc pendant les années de guerre, alors que parallèlement, les producteurs, souvent grâce à l'expertise des marchands, vont de plus en plus chercher à prendre en compte les demandes des acheteurs et à promouvoir leurs compétences à produire des musiques foraines plus authentiques. Donc on a vraiment une évolution du marché. Le marché international est divisé entre le European Business et le Foreign Department of the World. Les expéditions d'enregistrement dans des pays non européens sont régulièrement signalées dans la presse professionnelle. Les articles sont accompagnés de photographies représentant la découverte par les populations locales de la machine enregistreuse. Que cela soit des fermiers chiliens, des danseurs hawaïens, des écoliers africains, des moines tibétains, tous sont fascinés par le phonographe, qui est un symbole de la supériorité technologique des États-Unis. Dans un article de Talking Machine World, paru en 1906, il est écrit que les Philippins sont comme des enfants face à la machine enregistreuse. Lorsque des entrepreneurs explorent des contrées africaines équipées d'une machine portable Cariola, la découverte de l'engin par les populations est décrite comme une véritable rencontre entre la civilisation et la sauvagerie, mettant en valeur pour les lecteurs américains la modernité du produit. La naïveté, le terme souvent employé, des populations locales face au pouvoir technologique et culturel des entrepreneurs américains renforce leur image d'experts et confère une valeur morale et scientifique à leur travail. Les expéditions d'enregistrement à l'étranger sont ainsi présentées comme de véritables entreprises ethnographiques. Les entrepreneurs qui se rendent en Afrique, en Asie ou bien en Amérique du Sud sont présentés comme des experts qui préservent des musiques qui seraient condamnées à disparaître et vendent aux populations inférieures des musiques nationales de qualité. Les compagnies de phonographes ne manquent pas de rapporter les occasions où leurs machines sont utilisées par des sociétés savantes, des musées ou bien par des départements d'université dans un but à la fois préservationniste et scientifique. En 1906, par exemple, un article promotionnel est consacré aux travaux d'enregistrement au phonographe des dialectes de plusieurs îles britanniques par une société savante anglaise. La même année, un autre article du Talking Machine World promeut la valeur scientifique du phonographe, qui a même permis d'enregistrer un discours de l'empereur allemand Guillaume II, et vante l'usage de cette technologie par la Smithsonian Institution et par les universités de Harvard et de Yale. On va écouter là un petit enregistrement qui s'inscrit un peu dans cet usage de l'enregistrement à des fins scientifiques ou enfin politico-scientifiques. C'est un enregistrement de Thomas Edison. C'est la première fois et la seule, je crois, qu'il s'enregistre lui-même parlant. Le disque est sorti en 1919 chez Edison, Blue Amber Hall. Et donc, c'est un petit discours de Thomas Edison qui s'intitule « Let us not forget, a message to the American people ». Donc, n'oublions pas, un message au peuple américain. Pour vous la faire courte, il salue le courage des soldats américains qui sont tombés au front et invite aussi à ne pas oublier les alliés, les Français, les Belges, et à faire preuve de solidarité internationale. Que voilà Thomas Edison. Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded for the public. Today, however, he has a message for you that is important enough to cause him to break his long-established rule. Mr. Edison will now give you that message. I beg to introduce Mr. Thomas A. Edison. This is Edison speaking. Our voice made good in France. The word American has a new meaning in Europe. Our soldiers have made it mean courage, generosity, self-restraint, and modesty. We are proud of the North Americans who risked their lives for the liberty of the world. But we must not forget, and we must not permit demagogues to belittle the part played by our gallant allies. Their casualty lists tell the story. However proud we may be of our own achievements, let us remember always that the war could not have been won if the Belgians, the British, the French, and the Italians had not fought like bulldogs in the face of overwhelming odds. The Great War will live vividly in the minds of Americans for the next 100 years. I hope that when we do reverence to the memory of our brave boys who fell in France, we shall not forget their brothers in arms who wore the uniform of our allies. I believe that the national heirs of France, Great Britain, Italy, and Belgium should for all time to come be as familiar to us as our own star-spangled banner. Donc voilà, c'était Thomas Edison, il avait, je crois, à peu près 72 ans à ce moment-là. La suite. Je vais vous lire un petit extrait d'une publicité de 1923 pour les disques en langue étrangère du label OK. Voilà ce qu'il est écrit. « Nos disques en langue étrangère sont réalisés par des artistes indigènes dans leur terre natale et, par conséquent, ont un attrait véritable pour les millions d'Américains nés à l'étranger. » Cette revendication à comprendre les acheteurs et à leur proposer des musiques authentiques n'est pas uniquement cosmétique. Alors que le marché domestique des musiques foraines s'intensifie dans les années 1910-1920, les compagnies font de plus en plus appel à des entrepreneurs eux-mêmes immigrants pour les aider à proposer un catalogue en accord avec les attentes des consommateurs. Ils tentent de proposer plus de musique vernaculaire, alors que dans les premières années, les enregistrements foraines étaient souvent des chants folk interprétés dans un style opératique, qui n'était pas spécialement qui reflétaient pas spécialement les musiques des pays qui étaient visés. Certains consommateurs de Foreign Records se plaignaient d'ailleurs que les enregistrements de chants dans leur langue natale sont interprétés sur les disques par des chanteurs dont ce n'est pas la langue maternelle, et donc ils avaient du mal à comprendre les paroles à cause de l'accent. En 1917, c'est notamment le cas de Anton Maresch, qui est un musicien et vendeur de piano d'origine hongroise vivant à Cleveland, qui reproche à la compagnie Victor d'avoir publié le morceau hongrois The Rosary, interprété par des chanteurs écossais et russes. Son interlocuteur chez Victor aurait promis à Maresch de prendre en considération sa suggestion donc de réenregistrer le morceau en le faisant interpréter cette fois par un chanteur hongrois de Cleveland, accompagné par le Great Western Band of Cleveland. À partir de la fin des années 10, les compagnies cherchent également à suivre l'évolution des goûts des immigrés et à proposer de la musique plus en adéquation avec leur quotidien d'immigrants. Auparavant perçus comme des étrangers à qui il fallait vendre de la musique de leur pays d'origine pour susciter nostalgie et désir de retour au pays, ils sont progressivement considérés plus comme des Américains, ayant naturellement développé un goût pour les musiques américaines. Les compagnies commencent alors à introduire des tubes du catalogue général dans les catalogues foreign. Certains sont également traduits de l'anglais au polonais, à l'italien ou à l'espagnol, et réciproquement, certains morceaux foreign sont traduits en anglais et introduits dans le catalogue général. En 1923, par exemple, une valse d'origine suédoise, qui est classée dans la catégorie allemande, le morceau s'appelle The Marichan Walser. Il remporte un tel succès auprès d'acheteurs noirs américains de Chicago que cette valse est finalement reclassée dans une série relevant du catalogue général, tournée vers la danse et le jazz et incluant des artistes aussi bien noirs que blancs. Et il y a même un vendeur qui va dire à ses clients qu'il s'agit d'un blues, d'un morceau de blues. J'ai retrouvé l'enregistrement de 23, donc je vais vous en passer un extrait. Donc de The Marichan Walser. Marichan, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Si j'arrive à le retrouver. Il est là. Alors, la catégorie donc, des Foreign Records, pour le marché domestique, s'américanise en même temps qu'elle est promue comme plus authentique. Ces évolutions interviennent alors que la politique américaine se durcit à l'égard des nouveaux immigrants et que le second Ku Klux Klan et sa propagande raciste, anticatholique et anti-juive font de plus en plus d'adeptes, au nord comme au sud. Tout en diffusant ces Foreign Records, l'industrie du disque promeut le rôle de la musique anglophone dans l'assimilation des immigrés à la culture américaine. Voici un extrait d'un article intitulé « Music aids Americanization », donc la musique participe à l'américanisation, de juin 1919. Si ces nouveaux arrivants pouvaient être rassemblés aussi rapidement que possible après qu'ils sont arrivés sur nos côtes dans des cours de chant communautaire en anglais, de nombreuses influences positives seraient mises en action. En premier lieu, la musique amènerait ces étrangers à se sentir davantage chez eux et réduirait leur nostalgie pour la terre qu'ils ont laissée derrière eux. La musique est le seul langage universel aux grands et aux humbles, aux riches et aux pauvres, et aux gens de toutes les races et de toutes les langues. La musique aiderait le natif de l'étranger à apprendre l'anglais facilement. Les Foreign Records deviennent donc un marché lucratif, en partie grâce au travail d'identification des consommateurs potentiels mené par les marchands sur le terrain. S'ils représentent environ un tiers du marché intérieur états-unien, ils font cependant l'objet de campagnes promotionnelles spécifiques. Les catégories des Foreign Records sont bricolées et fignolées continuellement, avec pour critère majeur la langue chantée, mais une claire tendance à l'essentialisme se développe, notamment pour les musiques instrumentales. En 1924, Columbia, le plus important producteur de Foreign Records, parle encore de Foreign Language Records. Les distinctions entre différents genres musicaux, hein, comme celles entre musique savante et populaire, par exemple pour les musiques américaines, ne sont pas appliquées à ce marché, où c'est la distinction ethnique et linguistique qui prévaut. Voilà pour les Foreign Records. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à la troisième partie du chapitre consacrée à la création des deux nouvelles catégories musicales liées aux musiques rurales et à la ségrégation sonore qui concourt à leur mise en place. Donc évidemment les Race Records et les All Time Records. Je vous laisse avec un morceau de la catégorie orientale, musique orientale, de je ne sais plus quel label, mais je noterai ça dans le blog. C'est un disque qui s'appelle Turkish Folk Songs and Dances, qui est interprété par Nicolas Maté et son orchestre oriental, et donc de 1939. Quelque chose me dit que la mélodie vous sera familière. Hop. À la prochaine.